Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne, et aujourd'hui, on vous emmène faire du golf! Comment ça va, Sophie? Ça va très bien, mais alors du coup, est-ce qu'on est parti sur Mario Golf ou bien qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah, carrément Mario Golf. Il n'y avait pas un jeu qui était sorti là pour la Switch avec... Ça fait longtemps, Ça fait longtemps. J'ai des images on va parler de vrai golf. Ah, de vrai golf. De vrai golf. Du coup, avec des œufs d'oiseau en tant que balle pour le golf ou... Non, pas du tout. Non, on va parler de conservation. Savoir si les terrains de golf font de bons endroits pour conserver les oiseaux. Et on verra qu'il y a des trucs assez intéressants, même si en off, Sophie me répondait un gros non. Eh ben, non, mais ça, c'est l'expérience qui parle, j'imagine. Non, je sais. Écoute, je suis curieuse. Voilà, mettons ça comme ça. Peut-être qu'il y a des trucs, hein, comme tu le dis. Ah oui, il y a des trucs très sympas. Et toi, Sophie, du coup, tu vas nous parler de quoi donc? Moi, je vais parler de parasitisme. On est bien parti aujourd'hui, hein. Voilà. Mais avant de parler tout ça, petite rétro avec quelques observations et quelques informations qui passeront pas en épisode complet, mais qui méritaient quand même d'être assez intéressants. Sophie, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux que je commence par... quelques petites informations. Si tu veux, je peux commencer. J'ai un petit article là qui a été publié. Ah bah vas-y. Le 20 septembre 2024, dans la section archéozoologie de Frontières, on a un article qui est sorti sur Néandertal. Alors bon, vous allez me dire Néandertal, les oiseaux, tout ça, je vois pas trop le lien. Mais en fait, il y en a un. C'est parce que on a retrouvé dans des grottes utilisées par Néandertal, et on a été sûr de ça, hein, c'était bien Néandertal qui était là-bas, des restes d'oiseaux qui du coup montrent que Néandertal exploitait effectivement les oiseaux du côté de alors c'est la Belgique il me semble donc c'est intéressant à savoir en fait juste que Néandertal était tout à fait capable comme Homo sapiens d'exploiter les oiseaux. Alors quand tu parles d'exploitation, on parle de domestication, on parle de quoi? Non, on parle notamment de chasse. Parce qu'on considère généralement, et dans l'imagerie qu'on a en tant que grand public, on voit les chasseurs-cueilleurs comme des chasseurs de grands animaux, tu sais, on a cette idée de la lance, de ce genre de choses qui te permettent de chasser du gros gibier. Mais en fait, c'était pas forcément la majorité des choses qui étaient chassées, il semblerait que les oiseaux, notamment, faisaient partie des assemblages qu'on retrouve autour de Néandertal. Et donc ça, c'est intéressant, parce que voilà, c'est une petite nouvelle qu'on n'avait pas précédemment. Ah, intéressant. Moi, de mon côté, je peux parler, bien évidemment, de ce qu'on avait couvert il y a quelques épisodes de cela, sur la grève de la Audubon Society. On en a parlé aussi sur Twitter. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, justement. Cette grève qui prend fin, les salariés de la Audubon Society qui ont obtenu des revalorisations de salaire, 7% d'augmentation de salaire par an, par exemple, mais aussi plein d'autres avantages. Bref, victoire sur toute la ligne pour ces 250 employés qui se sont mobilisés pendant 2 ans et demi. On le rappelle, la syndicalisation, c'est importante, donc n'hésitez pas à vous syndiquer si jamais cela n'est pas fait. S'il y en a besoin. Est-ce que Sophie, tu as quelque chose d'autre à rajouter comme information, ou je passe directement à ma seconde petite information? Non, pas grand-chose. Après, j'ai une observation aujourd'hui, alors c'est pas vraiment une information, mais peut-être si vous avez l'occasion de passer dans la région. En ce moment, c'est par chez nous la sortie du nid pour pas mal d'espèces, notamment pour les grands rapaces. Et aujourd'hui, une superbe observation de ma part d'un aigle de Véro, que vous connaissez peut-être en tant qu'aigle noir. Et si vous ne savez pas les reconnaître, tout simple... Alors pour les jeunes c'est différent parce qu'ils sont tout bruns, mais pour les adultes en tous les cas c'est des aigles qui sont tout noirs avec un grand V blanc à l'arrière sur le dos, voilà. Si vous passez dans la région, n'hésitez pas à chercher ce genre de bestiole, c'est un grand aigle, c'est assez visible de loin et c'est toujours très sympa à regarder. Donc on rappelle que pour les gens qui nous rejoignent, pour qui Oui, ce c'est serait vrai. peut-être le premier courrier de la Sterne, tu n'es pas en Non, France. Afrique du Sud, n'hésitez pas. Hein. C'est un peu loin, 2 000 km, mais on a des trucs sympas. Voilà. Écoutez, peut-être qu'un jour on vous paiera l'avion, on ne sait pas. Peut-être. Ah, ce serait bien. Bon, on va rester pour la dernière information un petit peu plus terre à terre parce qu'on va parler d'oiseaux qui chantent et d'oiseaux qui font pas que chanter, qui produisent de la consonance, c'est-à-dire des notes qui nous sont agréables à l'oreille, et même des notes qui pourraient faire penser à du jazz. Oh. Incroyable, hein? Alors maintenant, Sophie, une petite question. Quelle espèce a été eh bien, testée pour cette hypothèse? Savoir s'il faisait du jazz, c'est une bonne question. Des oiseaux qui font du jazz. Alors là, je t'avoue. Oh, c'est un oiseau assez classique, on parle souvent pour la beauté de son chant. Je sais pas. Il y a pas mal d'oiseaux. J'aime beaucoup le chant, que ce soit le merle, par exemple. C'est toujours sympathique à écouter. J'imagine que c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ouais. Mais je sais pas. Écoute, il y a tellement d'oiseaux, ce serait difficile de. Tiens. Eh ben, c'est la poule. La poule, pour la beauté de son chant. Oui. C'est... Tu me fais J'ai essayé de marcher t'induire en là. erreur, évidemment. Mais c'est bien chez la poule qu'on a fait cette observation. C'est une analyse informatique qui a été réalisée. Ils ont compilé les données, ils ont simulé de manière informatique tout ça, et ils ont découvert effectivement qu'il y avait des consonances qui faisaient penser à des notes de jazz. Voilà, donc les oiseaux, et en tout cas les poules, seraient capables d'émettre des notes semblables à celles qu'on entend dans le Ah, mais jazz. maintenant, je suis en train de voir dans ma tête un orchestre constitué de poules. Il y avait une pub qui faisait du French Cancan, tu t'en rappelles? Oui. C'est ça où ça date. Oui. Ah, j'en sens. Bon, tu m'as mis une image Et en genre... tête maintenant. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Et j'en voudrais un petit peu à ceux qui ont publié l'article, c'est Biology Letters qui, pour illustrer leur magnifique poule, ont mis deux manchots du Cap. Quoi? Je sais pas Mais qu'est-ce pourquoi. qu'ils ont... Pourquoi? Donc, du coup, leur publication sur les réseaux, c'est deux manchots du Cap. Et moi, je me suis dit, oh c'est chouette, les manchots du Cap font du jazz. Et en fait, quand tu lis l'étude, c'est... Oui. Ah bah non, c'est les poules. Mais pourquoi? Ah là là, toujours lire les Je études, suis c'est pas très très contre les important. manchots du cap, hein. Moi j'aime les manchots du cap, mais enfin là quand même. Enfin, entre la poule et le manchot du cap, on a quand même un. C'est différent, non? Ah bah oui, Difficile je de se sais, mais je sais tromper. pas pourquoi ils se sont trompés d'image comme ça, ou alors c'est une étude qui était ancienne et puis ils ont remis la même image, je ne sais pas. Voilà. D'accord. Toujours important de lire les études et ne pas s'arrêter qu'aux images. Ouais, oui. Ah. Bien, se termine la rétro ici. On va parler de parasitisme et de nids, Sophie, dans cette première partie. Bon, et ben allons-y, on va parler de nids, et ce ne sera pas des chevaliers cette fois, il s'agit bien effectivement d'oiseaux. Et en l'occurrence, il s'agit de rouge-queue à front blanc et Oh. de coucou gris, que vous connaissez certainement, parce que ce sont deux espèces qu'on peut voir notamment en France. Ils sont très Mmh. communes, y a pas de souci avec ça. Et notamment pour le rouge-queue à front blanc, vous connaissez peut-être le rouge-queue noir plus facilement et un peu plus commun quand même, mais on est sur une espèce plus ou moins similaire, c'est juste qu'au niveau de la coloration, on a donc le fameux front blanc, on a le menton et le tour de l'œil qui sont noirs, et puis le reste de l'oiseau est plus ou moins dans les bruns avec un dos un peu gris et une queue plutôt dans les roux. Voilà, d'où le nom. Ouais, on est effectivement sur une couleur ventrale beaucoup plus rousse Voilà. par rapport au rouge-queue noir qui lui est vraiment noir pour le coup. Oui. En tout cas, la différence entre mâle et femelle est... la différence, pardon, entre mâle rouge-queue noir et mâle rouge-queue à front blanc Oui. est assez facile à faire. Oui, effectivement, le mâle et la femelle ne sont pas similaires au niveau du plumage dans ces deux espèces-là. Hein. Le mâle est plus coloré, avec notamment ce masque noir hein, assez présent. Donc c'est un petit oiseau pas très très grand, 13-14 cm, une masse d'à peu près une quinzaine de grammes, hein, on est quand même sur quelque chose d'assez petit avec des longues pattes et que vous reconnaisserez notamment à la queue qui est assez longue aussi, qui fait des nids principalement dans des cavités et parfois au sol aussi, c'était principalement Il a commencé à faire des nids dans des cavités après, visiblement, mais maintenant. Ok. Mais à la base, on était sur un nid qui pouvait se faire aussi au sol. Ok. Et donc, Je savais pas. ces petits oiseaux, si vous ne le savez pas non plus, c'est un oiseau migrateur qui va partir hiverner en Afrique et qui revient donc au printemps sous nos régions européennes et qui a une aire de répartition qui est quand même assez grande parce qu'on part de l'Europe de l'Ouest jusqu'à la Sibérie, ce qui est quand même pas si mal, mine de rien. Voilà. Donc on est sur une aire de répartition qui ressemble un peu à celle de l'autre espèce de rouge-queue qu'on a en France. Hein. Le rouge-queue noir aussi, c'est plus ou moins la même chose. Bon, il y a des différences, mais enfin on est quand même sur une aire de répartition très large. Aire de répartition qui ressemble du coup beaucoup à celle de l'espèce qui le parasite, qui est donc le coucou gris. Quelle Et surprise! étonnamment, hein. Et donc le coucou gris ne parasite pas que le rouge-queue à front blanc, hein, c'est pas non plus la seule espèce, mais c'est l'une des espèces principales qui le parasite. Et le coucou gris, c'est un oiseau qui est beaucoup plus grand, avec à peu près plus d'une trentaine de centimètres pour plus d'une centaine de grammes quand même, donc on est sur un facteur à peu près 10 en la taille de la bestiole par rapport à au précédent, hein, au niveau du poids en tous les cas. Et donc vous imaginez bien que quand un coucou gris parasite un nid de rouge-queue à front blanc, on est sur un oisillon qui déjà est très très gros comparé aux parents, qui pousse les autres œufs hors du nid et qui va obnubiler l'attention des parents pendant quelques temps, et donc qui va faire foirer tout à fait l'entièreté de la nichée, mis à part lui. Non mais c'est juste pour vous donner l'idée que quand même on est C'est sur un une façon animal. rigolote de dire que il tue 4 à 5 poussins pour être le seul. Exact, c'est triste, hein, c'est triste. Mais bon voilà, C'est la c'est nature. la nature, c'est comme ça. Et c'est comme ça que le coucou se reproduit. La femelle va donc déposer un œuf, un seul, pas deux, pas trois, un seul œuf dans le nid des rouges-queues pour parasiter la bestiole. Et c'est comme ça qu'elle se reproduit. Elle ne fait pas de nid elle-même. Elle utilise le nid des autres espèces. Et donc, les chercheurs de l'étude qui a été publiée récemment dans le Journal of Avian Biology, qui est en open access d'ailleurs, donc on vous mettra le lien dans la description, hein, n'hésitez pas à aller voir de vous-même ce que c'est l'abstract et puis le reste de l'article, en anglais évidemment, hein, voilà. On n'a pas trop le choix là-dessus malheureusement. Donc, dans l'article, on nous explique que le rouge-queue à front blanc et le coucou gris, qui est le principal oiseau qui le parasite, ils ont tous les deux essayé d'évoluer de leur côté pour essayer, pour le coucou gris, pour parasiter au mieux le rouge-queue à front blanc, et du côté du rouge-queue à front blanc, essayer d'évoluer pour éviter que le coucou gris ne parasite ses nids. Donc, on est clairement sur un exemple d'évolution. Qui va essayer de, comment dire, l'un de s'éloigner, l'autre de se rapprocher au maximum de son hôte, pour essayer de le parasiter un maximum. Et c'est une sorte de course à l'armement, comme on dit souvent, qui va permettre à l'une espèce de résister à l'autre. Course à l'armement qui n'est jamais finie, hein, vu que, évidemment, les espèces continuent inlassablement d'évoluer chacune de leur côté, Alors pas pour, hein, parce qu'on n'est jamais sur un but dans l'évolution, mais qui évolue en fonction de ce qui est le plus intéressant pour eux. Alors, le titre de l'étude, c'est Est-ce que la façon dont le nid est construit, ça peut empêcher le parasitisme par le coucou gris? Et donc pour ça, les chercheurs de l'étude, ouais, Intéressant. c'est très intéressant, parce que c'est quelque chose qui n'avait pas vraiment été testé auparavant chez C'est le vrai. rouge-queue à front blanc. Alors, il y a eu des études qui ont été évidemment faites sur le coucou et sur d'autres espèces de coucou et sur d'autres espèces d'oiseaux qui se sont fait parasiter, parce que évidemment, on essaie de savoir un peu comment ça fonctionne, tout ça, c'est tout à fait logique, hein, c'est un phénomène intéressant à étudier. Mais on s'était pas encore intéressé au coucou gris et au rouge-queue à front blanc, et on s'était pas vraiment intéressé aussi précisément à tous les paramètres de la construction du nid lui-même, pour savoir lesquels finalement étaient choisis par le coucou gris comme étant les plus aptes à être parasités ou pas. Et donc dans cette étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont installé des boîtes pour faire des nids spécifiquement pour le rouge-queue à front blanc, dans plusieurs endroits différents. Je crois qu'ils ont Il me semble qu'ils avaient installé, alors je vais juste vérifier les chiffres au cas où, mais on était sur à peu près 350 nids. Donc, quand même, on est quand même sur une étude Ah oui. qui, voilà, qui a quand OK. même de la data, hein. On va rester là-dessus. Et ces nids ont été répertoriés et suivis entre 2013 et 2019 en Finlande. OK. Et tous ces nids donc, étaient à destination donc, de rouge-queue à fond blanc. Et le but, c'était de voir s'ils étaient parasités par le coucou gris ou non, et quelles étaient les caractéristiques de chacun de ces nids qui avaient été construits dans les boîtes, qui avaient été posées à cet effet, donc dans ces nichoirs. Et tous les paramètres possibles et imaginables ont été calculés. Alors, je vous laisserai regarder l'étude, si vous voulez, il y a des schémas sur la boîte qui avait été déposée, sur les nids, sur les diverses mesures qui ont été prises, sur les déviations générales. Bref, il y a des stats, il y a plein de trucs, c'est très très intéressant. OK. Voilà, et notamment les stats les plus intéressants qu'ils ont pris, bah déjà, c'est l'ouverture du nichoir, savoir de quelle taille on fait le trou, pour que l'oiseau rentre ou pas, et puis savoir si du coup le coucou peut passer ou pas à cause de ça. Enfin, ça en vrai sur un empêchement en quelque sorte du parasitage par juste l'ouverture du nichoir. C'est pas le plus intéressant dans l'étude, mais après ils sont partis sur les caractéristiques du nid en lui-même qui avait été construit dans le nichoir. Parce que du coup, à l'intérieur du nichoir lui-même, bah, un peu comme ça se fait pour la mésange, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va déposer au fond du nichoir toute une gamme de plantes, de branches, de plumes aussi pour tapisser l'intérieur. Et puis elle va creuser dans cette espèce d'amoncellement de tas de trucs, une sorte de petite cuvette dans laquelle vont être les nids. Et sauf que cette cuvette, eh ben, elle va pouvoir se trouver plus ou moins proche de l'entrée du nichoir, et elle va être plus ou moins large aussi, parce que peut y avoir des changements. OK. Et parfois, cette cuvette va aussi avoir des sortes de petits bords qui vont être un peu plus hauts que le fond du nichoir sur lequel elle aura tapissé des tas de trucs. Donc ça fera comme une petite coupelle qui sera un peu en surélévation par rapport au reste au fond de la boîte. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais. OK. Voilà. Et d'autres fois, elle sera un peu plus basse que le reste du truc. Donc on aura une sorte de pente qui va aller jusqu'au nichoir. Enfin bref. Ça, il y a plusieurs paramètres comme ça qui ont été calculés. Et puis évidemment, la hauteur du nid comparée à la hauteur de l'ouverture aussi. Enfin bref, plein plein de trucs différents qui ont été répertoriés. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres. Et évidemment, ce qui a été recherché aussi, c'est les différents matériaux de construction, le nombre d'œufs qu'il y avait dans le nid. Et puis bah, au final, est-ce qu'un coucou a pondu un œuf? Et où est-ce qu'est l'œuf par rapport au reste du nid, parce qu'il se peut aussi que l'œuf de coucou il tombe pas dans le nid directement, mais il tombe par exemple à côté. S'il n'est pas dans la cuvette, l'œuf de coucou, bah il sera pas pris en charge par les parents. Faut qu'il soit dans la cuvette avec les autres œufs. S'il est posé à côté, bah ça sert à rien. Du coup, le parasitisme est loupé dans ces cas-là. C'est pas très intéressant pour le coucou. Et donc, ils ont testé tous ces paramètres, et puis derrière, ils ont aussi regardé, eh ben, lesquels étaient réussi et quelle tentative de parasitage avait été réussie au final et lesquelles ne l'avaient pas été, si les nids avaient été parasités évidemment. Alors il se trouve qu'à peu près une trentaine, 30% des nids au total avaient été parasités par le coucou gris. À peu OK. près. Donc sur les 350 boîtes qui avaient été posées donc tous les ans entre 2013 et 2019, ils avaient un total de 816 nids qui ont été mesurés, répertoriés, etc. Donc ça fait quand même pas mal de données. Et donc ils ont trouvé qu'à peu près 300 avaient eu du parasitisme, un petit peu moins de 300. Donc ça fait à peu près 30%. Et donc avec un œuf de coucou posé à proximité ou dans le nid en fonction des cas. Et ce qu'ils ont trouvé derrière, c'est qu'en fait, les nids qui avaient été parasités, ils avaient certaines caractéristiques en commun. Alors déjà, la première caractéristique, c'était ben déjà l'ouverture du nichoir. Fallait que ce soit quand même supérieur à une certaine taille, sinon le coucou, il peut pas rentrer. Et dans ces cas-là, le parasitisme se fait pas, de toute façon. Mais c'était pas la variable la plus intéressante, parce que la variable la plus intéressante derrière, c'est la construction du nid lui-même. De quelle taille est le nid, comment est-ce qu'il est fait, de quel matériau il est fait, etc. Qu'est-ce qui attire le coucou pour après rentrer dans le nid? Mettons que l'ouverture est de la bonne taille, qu'est-ce qui fait qu'il va choisir ce nid-là plutôt qu'un autre? C'était ça qui était important surtout. Et ben en l'occurrence, ce qui était important, c'était en fait la taille du nid. Donc quand tu as un nid à l'intérieur du nichoir, si le nid il est trop petit, et bien finalement le coucou il ne pondait pas dedans. Donc tous les nids qui étaient plus petits que la moyenne, le coucou, ça, Visiblement, ça l'intéressait pas. Alors, ils savent pas exactement pourquoi, mais clairement, les nids les plus petits, pour lui, c'était pas bon. Alors, peut-être, il suppose que peut-être c'est parce que le coucou, il veut un peu de place quand même pour pondre son œuf, qui est plus grand que l'œuf de rouge-queue à front blanc de base. Peut-être que c'est pour ça. Ils ne sont pas sûrs pour l'instant, mais il semblerait que les nids les plus petits sont ignorés par le coucou. Ça l'intéresse pas. Un autre paramètre qui était important aussi, c'était la hauteur du nid. Donc en fait, je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des nids qui étaient soit plus bas que le niveau du sol qui a été fabriqué par le rouge-queue au fond de son nichoir, soit un peu plus haut, soit avec des sortes de petits murs en fait sur les côtés. Il y a une sorte de petit rebord tout autour du nid. Et donc quand tu as un nid avec un petit rebord, visiblement, ça intéresse les coucous. Ça, c'était un des paramètres qui semblait intéresser les coucous. Et visiblement, c'était... Alors, ils savent pas non plus exactement pourquoi, mais ils supposent que c'est parce que lorsque le petit va essayer de d'éjecter ses frères et sœurs d'adoption du nid, hein, parce que c'est ce qui va se passer quand le petit coucou va éclore, il va se mettre sur le côté, il va pousser avec son dos pour essayer de faire sortir l'œuf de ses Absolument. frères et sœurs. Donc vous avez une position très particulière d'ailleurs chez le coucou. Si vous voyez des images ou des vidéos, je sais pas si toi t'en as déjà vu, mais le petit coucou va se mettre, bon certainement, j'imagine. Une vidéo qui circule beaucoup d'un coucou qui, je crois que c'est du phragmite, je crois, Ah oui. qui est parasité et le coucou balance les œufs dans l'eau. Voilà. C'est Donc en fait, il voilà. va se mettre, vous imaginez, dos au bord du nid, et il va prendre l'œuf entre son dos et entre le rebord du nid, et il va pousser comme ça avec ses pattes qui vont s'accrocher sur le sol, et puis son dos qui va essayer de faire basculer l'œuf de l'autre côté du petit rebord, justement, qui sépare l'intérieur du nid de l'extérieur, pour essayer de virer l'œuf. Et il va faire ça avec tous les œufs qui sont dans le nid, pour être le seul oiseau à bénéficier de toute l'attention des parents. Et donc, il semblerait, et selon les auteurs de l'étude, c'est l'une des hypothèses, que justement ce petit rebord autour du nid, ce soit important pour que le jeune coucou puisse balancer les œufs hors du nid. Parce que si, mettons que le sol en fait du nichoir et là où ils l'ont tapissé, soit descendre en pente douce vers l'intérieur du nid, le petit coucou il pourra essayer de s'échiner comme il veut à virer les œufs de la petite cuvette centrale, de toute façon ils vont redescendre dedans, donc ça changera pas grand-chose, et il va juste s'épuiser à la tâche. Donc le but c'est effectivement que les œufs ils sortent du nid et qu'ils restent dehors. Donc oui, si tu as un petit rebord autour, ça va certainement être plus simple pour lui. Donc il suppose que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a ce petit rebord, enfin ils choisissent des nids avec rebord, Ok. hein, tout simplement. Après, ils Incroyable. n'ont pas trouvé d'autres différences, par contre. Visiblement, il n'y a pas d'autres différences, notamment dans les matériaux de construction du nid. Il n'y a pas de préférence spécialement par les femelles coucou. Il n'y avait pas de, voilà, il n'y a pas de changement. Tu peux faire ça en branche, ça va pas les déranger. Tu peux faire ça en lichen, c'est pareil, aucun problème. Mais voilà. Donc c'est intéressant en fait de voir finalement à quel point c'est spécialisé. Quand t'es un animal qui parasite d'autres comme ça, il faut vraiment chaque petit détail. Alors nous, pour nous, cette histoire de rebord autour du nid, je suis certain que nous, on n'y aurait même pas pensé. Je sais pas si toi, ça te serait venu à l'esprit, ce genre de truc. Oh, je sais pas du tout. Je ne pousse pas d'œufs dans ma Voilà. journée, donc C'est peut-être pour ça, hein. c'est Peut-être pour ça. peut-être pour ça. Bonne remarque. Mais bon, le petit détail comme ça de juste ce petit rebord autour du nid, pourquoi? Parce que c'est important pour le jeune coucou pour qu'il puisse garder, pousser les œufs hors du nid, les œufs de ses concurrents et garder toute l'attention des parents pour lui. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et que savoir que effectivement il y a un choix délibéré des femelles pour ces nids-là, c'est marrant quand même. Donc ça, c'est tout plein de petits paramètres dont on n'avait pas conscience précédemment et qui sont Oui, importants, totalement. et qui montrent bien qu'il y a comme j'en ai dit au début, cette course à l'armement d'un côté et de l'autre avec des rouge-queue à front blanc qui vont tenter de construire des nids plus petits et peut-être moins attractifs pour les coucous gris pour éviter de se faire parasiter, et les coucous gris de leur côté qui vont essayer de choisir les nids les plus parfaits pour accueillir leur œuf. Et avec des œufs peut-être qui ressemblent plus en plus à l'œuf de l'espèce qui le parasite pour éviter qu'elle se soit aussi retirée du nid, parce que ça peut arriver aussi, hein, que le... Il y a d'ailleurs des espèces qui développent comme ça des mécanismes pour repérer les œufs des parasites et pour les virer du nid. Hein. On en avait parlé, il me semble, à une période. On en avait parlé, ouais. On Et avait oui. parlé, je crois, sur le drongo, Voilà. si mes souvenirs sont Il me bons, semble avec bien. cet oiseau qui essayait d'imiter les motifs de coquilles, Oui. et des fois, c'était pas les bons, donc c'était perdu. Dommage. Raté. Mais attends, moi j'ai envie de revenir sur un truc, c'est, tu as dit, si la femelle coucou pond dans le nid, Oui. parce que des fois elle rate le nid, je veux dire, elle va pas lâcher un œuf au-dessus de l'eau quand même. Très bonne remarque. Non, mais si, bah, en fait, pour t'expliquer. En gros, ce qui se passe, c'est que tu as l'entrée du nichoir, ou l'entrée de la cavité, si tu veux aller partir sur un rouge-queue qui n'a pas pondu dans un nichoir ou autre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la femelle coucou, bah, des fois, elle rentre pas dans le nichoir ou dans la cavité, soit parce que t'as pas la place, parce que c'est plus petit, hein. Le coucou gris, c'est quand même un Ah, gros bien sûr. oiseau, et le rouge-queue, c'est un petit oiseau, donc il peut nicher dans des trucs qui sont petits, où le coucou gris va avoir du mal à se déplacer. Donc la femelle, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rester se percher sur l'entrée du nid, donc l'entrée de la cavité, et elle va pondre à partir de là, souvent. D'accord. Donc en fait, mettons qu'elle vise mal. Bah, ça tombe à côté. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Donc il est aïe, possible aïe. que l'œuf effectivement tombe à côté du nid si elle a mal visé. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il y a des rebords? Est-ce que c'est pas pour éviter que l'œuf y tombe? Enfin, en fait, non, parce que visiblement, il se trouve que les femelles les plus expérimentées de coucou gris choisissent des nids plutôt que de se percher sur l'extérieur du nid, enfin l'extérieur de la cavité et laisser l'œuf tomber comme ça. Les plus expérimentées vont rentrer dans la cavité pour se percher sur le bord du nid. Voilà. Donc en fait, ça change pas. C'est pour ça que dans leur étude, ils n'ont pas trouvé qu'il y avait vraiment de différence au niveau du succès aussi de l'œuf qui va arriver dans le nid ou pas, parce que bah les jeunes femelles, elles sont peut-être pas très aptes à bien comprendre comment ça fonctionne, mais les plus anciennes, elles ont très bien compris le principe et elles vont pondre directement dans le nid, même si, surtout s'il y a un rebord. Intéressant, Donc il y a aussi un intéressant. apprentissage certainement qui se fait, mais enfin là, c'est des Oh, hypothèses sans que je doute. fais, hein, mais bon, il y a sûrement un apprentissage qui se fait à un moment pour que favoriser une meilleure réussite, un meilleur succès reproducteur derrière pour que le jeune survive, enfin, l'œuf arrive à éclore et survive derrière. D'autres questions? Pas du tout, non, non, j'ai pas d'autres questions. Je te propose un golf? Ah bah allez, avec plaisir. J'ai jamais joué au golf, hein, mais allez. Bon, j'y ai joué quelques fois et je suis particulièrement mauvais, c'est pour ça que je fais de l'ornithologie. D'accord, la relation entre les deux. Alors, on va voir, il y a une relation en tout cas, sinon je me permettrai pas de parler de golf. Alors, le golf et les oiseaux, ça peut prêter à sourire parce que. Bon, on se dit, oui, mais les golfs, c'est quand même pas des endroits hyper cool, notamment au niveau écologique. Et vous avez raison, ça prend énormément d'eau, par exemple. Mais néanmoins, il y a quand même des études qui ont été réalisées au fur et à mesure des différentes années, afin de savoir si les golfs pouvaient jouer un rôle dans la conservation des oiseaux, et notamment la conservation des oiseaux rares, des oiseaux menacés. Alors, pour cela, il y a une méta-analyse sur toute la littérature qui a été réalisée. C'est 68 études qui ont été passées au crible. Et pour résumer en gros cette étude, on a très très peu d'études dans les années 80-90. On commence à avoir une augmentation à la fin des années 90. Et de 2000 à 2005, on a un vrai boom jusqu'à 2005, où on a 9 études sur le sujet. De la conservation des oiseaux et des golfs Ah oui. qui sont sortis. Et puis, par la suite, on a eu une diminution de ces études. Pourquoi? Parce que bah, y a moins de golfs. C'est un sujet qui est moins étudié. même si aujourd'hui ça représente quand même plus d'un million d'hectares sur Terre et 38 000 terrains qui sont répertoriés dans le monde. Voilà. Oui. Des chiffres en diminution d'ailleurs, puisque le golfe n'attire peut-être plus autant qu'avant. D'accord. Donc l'objectif de cette étude, bah, c'était un petit peu de faire une espèce de bilan de ce qu'on pouvait avoir comme information sur le golfe et sur la conservation des oiseaux, mais pas que, parce que l'objectif c'était de savoir quelles étaient les populations d'oiseaux qu'on pouvait rencontrer sur des cours, la comparaison avec des habitats plus défavorisés, comme par exemple des habitats agricoles ou des habitats qui ont été transformés par l'homme, et donc du coup une comparaison avec des lieux non transformés par l'homme, l'effort de conservation pour la végétation autour des cours et des zones d'eau, parce que généralement, les cours de golf sont entourés d'une végétation assez dense, et puis on a aussi pas mal de zones aquatiques. Mm-hmm. Et puis, savoir aussi diverses informations sur les succès de reproduction des oiseaux. Alors là, pour le coup, on ne peut se baser que sur une seule étude qui a été menée sur le merle bleu de l'Est, d'accord, qui est un oiseau américain. Et savoir si aussi on avait des problématiques liées aux pesticides ou aux nuisibles, puisqu'on a des fois des oiseaux qui sont considérés nuisibles parce que ces oiseaux mangent l'herbe. Et sur un green de golf, ne pas avoir d'herbe, c'est quand même assez problématique. Donc on a compilé un petit peu tout ça, et on a essayé de voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Et grosso modo, il y a plusieurs points assez intéressants, puisque les chercheurs de l'étude ont déterminé qu'il y avait un impact important de ces zones de golf, mais que cet impact était à pondérer avec divers facteurs, et notamment la quantité de végétaux endémiques. On l'a dit, la quantité de végétaux est extrêmement importante autour des golfs, mais aussi dans les golfs. Et il s'avère que cette végétation a un caractère positif sur les oiseaux, notamment lorsque cette végétation est diversifiée en termes de feuillage, en termes de hauteur, puisque certains oiseaux ne vont pas avoir les mêmes habitudes alimentaires en fonction de la hauteur d'un arbre. Ça se voit notamment chez les mésanges, où on a des mésanges qui sont spécialisés sur, on va dire, la base des arbres, et les mésanges qui sont spécialisés sur les hauteurs des arbres. Mmh. Mais aussi éviter des règles fondamentales, comme par exemple faucher ou éliminer les arbres morts, quelque chose qui est une règle finalement assez fondamentale que l'on raconte en long, en large et en travers, même aujourd'hui, même si vous ne possédez pas de golf. On a les plans d'eau, qui sont assez intéressants parce qu'ils peuvent aider par exemple certains oiseaux migrateurs sur leur route. Mm-hmm. Ça, c'est assez intéressant. Le problème, c'est qu'on a seulement deux études qui se posent cette question. Quand bien même ça pourrait avoir effectivement un impact sur les oiseaux migrateurs, ça ne semble pas jouer de rôle significatif dans la conservation des espèces rares. Ce qui est, on va dire, le point le plus qui voulait être soulevé en priorité par l'étude, savoir si effectivement les golfs pouvaient être des lieux de conservation d'espèces dont l'état est préoccupant. Oui. Cependant, il y a une augmentation de l'avifaune dans les zones de golf et dans les zones naturelles converties en terrain de golf. Parce que ces oiseaux bénéficient d'un environnement qui est un petit peu moins perturbé, bénéficient d'un environnement qui est, comme je l'ai dit, bien plus axé au niveau forestier. Donc on va avoir un certain nombre d'oiseaux qui va être présent sur ces zones. La grande problématique est de savoir quel type d'espèces on a de présentes sur ces zones. Oui. Et la réponse est, ce sont généralement des espèces qui sont généralistes. Eh ben oui. Et non pas des espèces qui sont spécialistes. Ce qui n'est pas une énorme surprise en réalité, puisque généralement on va avoir des essences végétales qui vont être assez, on va dire, linéaires. On va avoir assez peu d'espèces, on va avoir assez peu de vieux arbres qui vont être présents sur les différents cours ou aux alentours. Donc, on a plus d'oiseaux, mais on n'a pas forcément une meilleure qualité, entre guillemets, des oiseaux que l'on peut avoir. On pose aussi la question de la reproduction. J'ai parlé du merle bleu. Savoir un petit peu s'il y avait un succès par rapport à la reproduction, il s'avère que le succès de la nidification est plus élevé dans les zones où le couvert forestier est plus important Et ces zones, eh bien, comme je l'ai dit, sont situées soit dans les golfs ou en périphérie de ceux-ci. Et on a découvert effectivement que les merles bleus, eh bien, avaient un succès de reproduction qui était plus important que dans des zones qui étaient plus défavorisées. Le souci étant que les oiseaux sont exposés à une prédation qui semble être plus importante. Pourquoi? Ben parce que les golfs, ce sont des zones qui sont très ouvertes. Et donc forcément, eh ben, ce sont des zones qui sont très facile pour les rapaces à, on va dire, exploiter correctement. Et puis, il s'avère aussi que ces jeunes oiseaux pourraient être en moins bonne santé par rapport à d'autres oiseaux dans d'autres lieux. Et on a corrélé ça à la corneille d'Amérique, une autre étude qui a été réalisée, puisque la corneille d'Amérique présentait une mauvaise condition nutritionnelle, ce qui signifie, eh bien, que la qualité de la nourriture sur les terrains de golf serait quand même beaucoup moins importante, beaucoup moins intéressante pour les oiseaux que sur des lieux beaucoup plus naturels. Voilà pour ce qui est en tout cas de la reproduction du merle. Et puis deux autres choses à savoir, ou plutôt une autre chose à savoir, la toxicité des oiseaux. Parce que on a utilisé pas mal de pesticides, notamment dans les années 70, pour agrémenter les cours de golf. C'est toujours quelque chose qui est pratiqué aujourd'hui. Néanmoins, la question de la toxicité des oiseaux n'a été que très peu évoquée sur les 30 dernières années qui ont été passées au crible, voire un petit peu plus. Ce qui suggère deux choses. Soit on utilise beaucoup moins de pesticides que par le passé. Comme je l'ai dit, à la fin des années 70, on avait énormément de pesticides qui étaient utilisés sur les cours de golf. Soit, et là c'est peut-être un petit peu plus pernicieux, que les pesticides en réalité sont plus toxiques, mais sur le long terme. Et donc, bah, comme on a finalement assez peu d'études sur la mortalité des oiseaux en présence de terrains de golf, bah, il est réellement impossible de savoir si c'est l'une ou l'autre des hypothèses qui peut se passer. Voilà. Ouais. Sachant que en avril dernier, Agricultural Science et Technology avait fait une étude pour démontrer l'impact des pesticides. Comme je l'ai dit, il y a des pesticides qui sont utilisés sur les terrains de golf sur les humains. Et il s'est avéré que l'étude s'est avérée favorable, dans le sens où il y avait peu de risques pour les humains. Mais encore une fois, ce sont pour les humains. Pour les oiseaux, ça peut être totalement autre chose. Mais pour ça, il faudrait réaliser d'autres études. Donc en résumé, bah, les terrains de golf, ce sont plus vraiment, enfin, ce sont pas vraiment des pièges toxiques comme ils le disent dans l'étude, mais ils sont pas non plus, on peut pas non plus les décrire comme des zones de conservation des oiseaux et notamment pour les espèces préoccupantes, puisque c'était l'objectif, eh bien, de savoir, eh bien, si on pouvait avoir des lieux qui pouvaient être comment dire, des îlots de conservation pour la biodiversité. Et il semblerait que les terrains de golf n'en soient pas. Donc oui, Sophie, tu avais raison en off. Ben non. Voilà. Oui, bah ça en même temps. Mais c'est ce qu'on avait vu aussi. On avait parlé de la forêt amazonienne il n'y a pas si longtemps. On Et avait parlé de la forêt amazonienne, absolument. effectivement, on avait vu que bah, les endroits où tu avais beaucoup de diversité, c'est les endroits où il y avait plus d'oiseaux. Alors, diversité de plantes, hein, je le rappelle. C'est les endroits où tu avais une grande diversité d'espèces animales et notamment d'oiseaux parce que bah, tu as plus de possibilités de reproduction, de nourriture. Enfin bref, c'est tellement plus simple pour ces espèces-là d'avoir un écosystème qui est diversifié pour ensuite pouvoir en tirer le meilleur parti plutôt que d'avoir. On le sait, hein, les terrains de golf, je dirais pas que c'est stérile parce qu'effectivement, tu as quand même des arbres, tu as de l'herbe, tu as des choses quand même qui vivent dessus. Mais on est sur un environnement qui est quand même très très très très convenu, hein. C'est quand même quelque chose de. C'est toujours la même chose, c'est toujours de l'herbe, c'est toujours plus ou moins les mêmes graminées qu'on va retrouver du coup. En plus, on va raser tout ça à ras parce que bah, c'est un terrain de golf, donc tu vas pas laisser la floraison se faire, tu vas pas laisser les espèces granifier. Tu vas avoir des arbres mais qui sont un peu. C'est paysager tout ça, c'est-à-dire qu'on va aussi couper, comme tu dis, on va virer les arbres morts, on va couper un peu tout ça, on va nettoyer en quelque sorte, pour que ce soit joli et bien peigné. Et bah derrière, on va empêcher beaucoup d'insectes de se nourrir, bah, par exemple des bois morts, hein. L'exilophage, c'est ce qui se passe, ils en ont besoin de ça. Et du coup, derrière, on va empêcher beaucoup d'espèces d'oiseaux de pouvoir venir se nourrir sur ces bois morts à la recherche des insectes en question, par exemple, hein. Mais ça, c'est juste un exemple. Il y a tellement d'autres choses dont ils ont besoin dans leur écosystème. C'est sûr que ça aide pas. Mais comme tu le disais aussi, et tu le précisais en début, si jamais il y a un point d'eau, et c'est souvent le cas dans ce genre d'endroit, hein, dans les golfs on a souvent un lac, un truc comme ça, et ben ça peut servir de halte migratoire, et ça c'est pas non plus un mauvais choix, parce que c'est vrai qu'en pleine ville, les oiseaux vont avoir un peu de mal à trouver un endroit où se poser s'ils sont un peu fatigués, ou s'ils ont besoin de recharger les batteries pendant une longue migration. C'est toujours bien d'avoir un point d'eau, à condition, évidemment, qu'il soit maintenu correctement, donc qu'il reste de l'eau dedans tout le reste de l'année, En soi. et qu'on ait une possibilité d'avoir un petit peu de nourriture avec des plantes aquatiques. Donc il ne faut pas que ce soit complètement vide et sans vie, hein, évidemment. Mais voilà, c'est aussi une possibilité, c'est une halte migratoire possible pour certaines espèces aussi. Sophie, c'est sur cette information que nous allons nous quitter. Merci beaucoup d'avoir participé à ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On te retrouve où? Eh bien, sur Instagram et sur Twitter, @leplumeux, et puis sur YouTube, sur la chaîne YouTube Entracte Science, voilà. Et puis vous retrouvez bien évidemment le Courrier de la Sterne sur tous les flux de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Vous nous retrouvez également sur Instagram, vous nous retrouvez également sur Twitter. Vous nous retrouvez aussi dans les commentaires sur YouTube, même d'ailleurs sur Instagram ou Twitter. Si jamais vous avez des questions, bien sûr. Eh bien n'hésitez pas à nous les soumettre par rapport à des épisodes que nous avons enregistrés, mais aussi si vous avez des questions un petit peu plus généralistes concernant les oiseaux, on sera très content d'y répondre. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes. À plus.